I could take on, baby, à poser tes culs sur les écrans, pour faire bander les vieux, pour faire bander les gens. I can think on, baby. À faire bonder les vieux, à faire bonder les gens, oh, sur des écrans. I can think on, baby. À poster ton cul sur des écrans. I can think on, baby.